Le secteur de Kaima sur la côte orientale du centre de la Corée sera aménagé en site touristique d'ordre mondial avec des hôtels, des installations pour les sports nautiques et les divertissements, etc. Il y a le mont Kumgang, le lac Sijong, Changsokjong, le lac Samil et autres célèbres endroits dans le monde et il est près de la station de ski Massignon, station du tourisme sportif. Il attire donc l'intérêt des investisseurs. Il sera appliqué la loi sur la zone de développement économique de la République populaire démocratique de Corée, publiée en mai de l'an 102 du 2013, et les investisseurs étrangers peuvent y livrer la gestion séparée aussi.